Même si comme réseau s'il n'est pas né dans une étable, l'homme fourmi atomique, même s'il est remarquable, personne ne voit dans sa petite maison instable, l'homme fourmi atomique.